La fraîche tonnelle de cette auberge rustique commençait à s'emplir des premières teintes mauves du soir. Le silence environnant était léger, la nuit descendait, souriante. Au loin, un angélus tintait. « Ah, Maryse !» soupira mélancoliquement le prince, qui venait de dîner côte à côte avec sa délicieuse compagne de mes aventures. « Ah, Maryse ! Être un homme libre, comment cet instant ? Libre de respirer, d'agir, d'aimer à son gré, d'aimer surtout. Ces deux choses divines, l'amitié et l'amour, ne sont guère à la portée des princes. Mais, Altesse !» Le prince prit doucement dans la sienne la main que lui abandonna sa compagne. « Et d'abord, implora-t-il tendrement, si je ne vous suis pas indifférent, Maryse, accordez-moi une grâce. Ne m'appelez pas Altesse. » Maryse eut dans l'ombre naissante de la tonnelle un espiègle et coquet sourire. « Dois-je dire, monsieur, comme dans le parc ? Oh non, on ne m'appelle pas monsieur. Je n'ai qu'un titre et qu'un nom, un titre que j'entends toujours et un nom que je n'entends guère, et je le regrette. René, ce qu'il me plairait dans votre jolie bouche, ce nom que même enfant, nul ne me donnait. On ne vous appelait pas ainsi, enfant ? Mais non, on m'appelait Altesse. Ma gouvernante et mes deux dames d'honneur étaient confinées dans la plus cérémonieuse des étiquettes. On me couchait cérémonieusement, on me faisait manger mes tartines du goûter cérémonieusement, et je crois qu'on m'eût donné la fessée qu'avec des révérences. Et votre mère ? Elle m'appelait monsieur. Ainsi le veut la tradition. Quand elle mourut, j'avais alors 9 ans. En me donnant son dernier baiser, elle m'a appelé mon fils. C'était la première fois. Vous voyez donc, Maryse, la douceur infinie qu'aurait pour moi ce simple prénom prononcé par une bouche chère. Comprenez donc alors le charme divin pour moi de cette heure d'évasion, où, sous cette tonnelle rustique, ignorée, perdue dans ce crépuscule qui idéalise votre si joli et si doux visage chéri, je crois faire le plus beau des rêves, un rêve nouveau pour moi, un rêve surhumain. Je suis tout simplement René, et j'aime. Je sens librement palpiter mon cœur contre le vôtre. Je sens contre ma joue la divine caresse de vos cheveux. Je respire votre âme tendrement blottie contre la mienne. Ah, Maryse, mon seul bien sur terre, mon amour, ma seule amie, ma vraie femme. René, balbutia-t-elle contre sa lèvre. Un clocher voisin, 8 heures sonnèrent. Maryse tressaillit. « Déjà, murmura-t-elle, il est temps, le train. » René se redressa, dégrisé, réveillé. « C'est juste, » dit-il, assombri. « Je dois redevenir le prince. »« Pas encore. » »« Oui, » d'ici Paris, le rêve se prolonge encore un peu. Ils regagnèrent la gare de la nuit naissante, enlacés, lèvre à lèvre, perdus dans l'ombre violette du soir. Les premières étoiles s'allumaient. Quelque part, le galop d'un pâtre montagnard chantait doucement.